نعم إن شاء الله بسم الله طيب وكم نصي إن شاء الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc alhamdulillah, ça me fait plaisir encore une fois de me retrouver avec vous sur Pal Talk pour commencer un autre des durus du livre durus min al Quran al Karim par le Sheikh Salih ibn Abdullah al Fawzan. Et puis donc alhamdulillah, on est arrivé au point ou au chapitre dans le livre où le cheikh explique qu'est-ce que c'est al-kufr et al-shirk. Au dernier cours, on a parlé du kufr et le cheikh maintenant il va expliquer des exemples de kufr asghar. On a parlé du kufr al-akbar, maintenant le cheikh va expliquer le kufr al-asghar et il va donner des exemples. Et puis, inshallah, par la suite, il commence à expliquer le shirk en détail. Donc, on va commencer tout de suite avec le texte, inshallah. Le shaykh, il dit, أما الكفر الأصغر فهو بعض الذنوب التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا ولم تصل إلى الكفر الأكبر. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، لأن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج به صاحبه من الإسلام، لكن عنده كفر أصغر. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne le kufr qui est mineur, le kufr al-asghar, ou le plus petit kufr, eh ben c'est quelques péchés, certains péchés qui ont été désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le terme kufr, qui ont été appelés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam kufr, mais qui n'atteignent pas le niveau de kufr majeur ou de kufr akbar. Comme par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit ne retournez pas après moi mécréants, c'est-à-dire ne devenez pas mécréants après moi en vous frappant les coups les uns les autres, c'est-à-dire en vous coupant les têtes les uns des autres, en vous combattant les uns les autres et en faisant des combats les uns contre les autres, c'est-à-dire de se combattre entre musulmans puis de se diviser puis de se tuer, Donc ça c'est un exemple de péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme étant kufr, parce qu'il a dit ne retournez pas ou ne devenez pas kuffar après moi. Et le cheikh il dit que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire en disant kuffaran ici, c'est le kuffar asghar, parce que le fait de tuer un croyant, c'est un parmi les plus grands péchés que quelqu'un peut commettre, mais c'est pas quelque chose qui fait quitter quelqu'un l'islam, c'est pas quelqu'un qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Sauf que la personne qui tue un, qui commet un meurtre ou qui tue un mu'min, un croyant, eh ben, il a une forme de kufr mineur. Et la preuve de ça, le cheikh il dit, وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى قَالَ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Donc le cheikh dit ici, il y a deux groupes parmi les, c'est le verset dans sourate Al-Hujurat, le verset 9, qui dit, et s'il y a deux groupes parmi les croyants qui se combattent les uns avec les autres ou l'un contre l'autre, alors yani, faites une réconciliation, essayez de les réconcilier entre eux. Mais si un des deux groupes transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le verset qu'on avait mentionné déjà dans le cours passé, et c'est un exemple qui montre que ces gens-là ne sont pas des koufars, même s'ils se combattent, puisque Allah les a appelés des mu'minin, et il dit إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Les croyants, Allah dit dans le Coran, les croyants ne sont que des croyants, alors réconciliez-vous entre vous, c'est-à-dire entre vous les frères. Et donc si Allah nous demande de réconcilier les frères et que ce sont les croyants qui sont des frères, donc ça prouve que le fait qu'ils se combattent, ça ne les fait pas quitter la foi et ça ne les fait pas quitter l'islam. Après le cheikh il dit فأخبر عن المقاتلين عن المقتتلين بأنهم مؤمنون وأنهم إخوة فدل على أن القتل بغير حق وإن كان كبيرة وجريمة عظيمة إلا أنه لا يخرج القاتل من الإيمان إلى الكفر. Donc le cheikh il dit que comme j'ai expliqué, Allah les a appelés des mu'minines, même s'ils se combattaient, et il les a appelés des frères. Donc ça prouve que le fait de tuer quelqu'un sans droit, injustement, c'est un parmi les grands péchés et un grand crime, sauf que ça ne fait pas quitter quelqu'un, ou la personne qui a, ça ne fait pas quitter la personne qui a tué l'islam et la foi, yani, vers le kufr. Après le cheikh dit, kama fi qawlihi ta'ala, كما في قوله صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي أو أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. نعم. donc le cheikh il dit que il y a quatre choses, il mentionne un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم comme exemple pour confirmer encore une fois que il y a des exemples de kufr qui sont mineurs et non pas majeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim selon Abu Musa al-Ash'ari, il dit quatre choses dans ma umma font partie des choses de la jahiliya et les gens ne vont pas les abandonner. Donc ça va demeurer dans la umma. Et c'est des choses qui font partie de la jahiliya, c'est-à-dire qui font partie de la mécréance et de l'époque pré-islamique. Al-fakhru bil-ahsab, le fait d'avoir la fierté pour ses descendants, ses pères. Wat-ta'nu fil-ansab, le fait d'attaquer ou de parler en mal de la descendance de quelqu'un ou de nier sa descendance. والاستسقاء بالنجوم, le fait de chercher la pluie de par les étoiles ou de croire que la pluie tombe à cause des étoiles ou des choses comme ça, ou que c'est une cause dans le fait que la pluie peut tomber. والنياحة, et le fait de, par exemple, quand quelqu'un est mort, on commence à se lamenter, puis à crier, puis à faire des lamentations. Ça, c'est des choses de la jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que c'est quatre choses parmi les choses de la jahiliya que les gens ne vont pas abandonner. Et bien entendu, c'est pas tout le monde dans la Ummah qui vont pas les abandonner, mais c'est certains parmi les gens de la Ummah. Bien entendu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans un autre hadith, qu'il y aura toujours un groupe de sa Ummah qui va être sur la vérité. Donc, c'est juste pour clarifier que yani, c'est pas parce que ces caractéristiques-là vont demeurer que yani, il faut pas les combattre et les dénoncer. Au contraire, il faut bien entendu les dénoncer et montrer qu'elles sont contraires à l'islam. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sammaha min khisal al-jahiliya wal jahiliyatu kufr walakin لو كان فيه خصلة منها فلا يقال إنه كافر الكفر المخرج من الملة وإنما يقال هذا من الكفر الأصغر. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés des caractéristiques de la jahiliya, et la jahiliya bien entendu c'est kufr, mais yani si quelqu'un a juste une de ces caractéristiques là, on peut pas dire où on ne dit pas qu'il est kafir en dehors de la religion, ou qu'il est sorti de la religion, mais on dit uniquement que c'est une forme de kufr mineur. Puis il y a beaucoup d'exemples aussi de ce genre, différents hadiths. Le cheikh il dit فَلَيْسَ كُلَّ مَنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا أَكْبَرٌ وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ويكون كفرا أصغر كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إنك امرئ فيك جاهلية هذا صحابي جليل ولكن لما قال كلمة عير بها أخاه فقال له يا ابن السوداء قال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية فدل على أن خصال الجاهلية هي نوع من الكفر لكنها لا تخرج من الملة لكنها خطيرة لأن تسميتها كفرا يدل على خطورتها. Donc le cheikh il dit que c'est pas toute personne qui possède une caractéristique parmi les choses de la jahiliya qui est kafir d'un kufr majeur. Toutefois, si il a yani, une caractéristique parmi les caractéristiques de la jahiliya, eh bien, il a un kufr mineur. Comme par exemple, un parmi les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es une personne qui a en lui de la jahiliya. Hein? Tu as de la jahiliya en toi. Et donc, malgré que c'était un des nobles sahaba, mais yani, étant donné qu'il avait dit une mauvaise parole, hein, il avait yani blessé, il avait dit du mal à un frère, c'est-à-dire à un autre musulman, à un autre sahaba, et c'était, je crois que c'était Bilal, il avait insulté Bilal par sa mère, hein. Il lui a dit, et toi le fils de la noire, hein, Yabn al-Sawda. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire comme si, est-ce que tu fais du fait que sa mère est un noir, tu fais de ça un blâme, hein? Alors tu essaies de le rabaisser ou de le dénigrer à cause de sa mère. Il a dit, toi tu es une personne qui a une caractéristique de jahiliya en elle, hein? Tu as de la jahiliya en toi. Donc, le cheikh il dit, ça montre que il n'a pas dit que la personne, que le sahabi était un jahili ou qu'il était kafir en dehors de l'islam, sauf que c'était pour lui faire comprendre que c'était un grand danger et qu'il avait une caractéristique en lui qui fait partie des caractéristiques de l'ignorance des mouchriquins et des koufars. D'accord? Du fait que de blâmer quelqu'un à cause de sa couleur, ou de la couleur de sa mère, hein, des choses comme ça, comme les racistes yani dans certaines sociétés qui yani ont de la haine ou du mépris ou qui dénigrent des gens à cause du fait qu'ils ont la couleur noire, hein, ou bien yani une autre couleur ou une autre caractéristique physique yani autre que la couleur. Donc ça fait partie des aspects de la jahiliya et qui malheureusement existe encore aujourd'hui dans les sociétés musulmanes, hein, beaucoup de racisme encore jusqu'à aujourd'hui dans les pays musulmans, et ça c'est dû exactement à cause de l'ignorance de l'islam et à cause des caractéristiques de la jahiliya qui demeurent encore aujourd'hui, hein. Et dans certains pays musulmans on traite les noirs comme si c'est des êtres encore inférieurs ou bien qui sont plus bas que les autres. Donc c'est des choses qui doivent pas demeurer dans une société ou dans un pays musulman, et donc c'est des choses qu'il faut dénoncer, et on doit clarifier que ces choses-là sont contraires à l'islam, hein? Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous c'est le plus pieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué ça aussi dans un hadith, il a dit que yani le noir n'est pas meilleur que le blanc, et le blanc n'est pas meilleur que le noir, et le yani excepté par at-taqwa, et l'arabe n'est pas meilleur que le non arabe, et le non arabe n'est pas meilleur que l'arabe excepté par at-taqwa. Donc pour nous les musulmans il n'y a pas ces distinctions entre noir et blanc. Un homme blanc peut marier une femme noire, un homme noir peut marier une femme blanche, et puis yani il n'y a pas de rapport avec la couleur et le fait que quelqu'un soit un bon musulman, yani. Un blanc peut être un bon musulman et il peut être un mauvais musulman, comme un noir peut être un bon musulman ou être un mauvais musulman, ça n'a rien à voir avec la couleur. Contrairement aux gens de dalal comme ceux qui suivent un groupe qui s'appelle Black Muslim ou Nation of Islam, qui suivent Elijah Muhammad aux États-Unis, et là ils suivent un gars qui s'appelle Louis Farrakhan, eh bien eux dans leur secte et dans leur groupe, yani, ce sont des koufars parce qu'ils croient que Elijah Muhammad était leur prophète. Donc ça c'est bien entendu une croyance qui est contraire au tawhid et contraire au shahadatin, parce qu'il n'y a pas d'autre prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également ils croient que Dieu est venu sur la terre en forme d'être humain, dans la personne de Farid Muhammad. Et ils disent que cet homme-là, Farid Muhammad, c'était Dieu en personne qui est venu sur la terre à Détroit, au Michigan, pour enseigner aux Noirs l'islam, et qu'il a choisi Elijah Muhammad comme prophète. Donc ça, bien entendu, c'est des croyances de shirk et de kufr. Et eux, ils s'imaginent dans cette religion-là que yani, les Noirs sont des dieux et que les Noirs sont sont supérieurs aux autres. Et ils croient que les blancs sont des diables, etc. Donc ça c'est des croyances de dalal, de jahiliya et de kufr yani, et de shirk. Et puis il faut justement yani être au courant que ça, ces gens-là sont pas des musulmans. Mais alhamdulillah, aujourd'hui là, il y a beaucoup de musulmans noirs américains qui sont salafis, qui sont loin de ces groupes de kufr et de bid'ah, et qui, il y en a beaucoup d'entre eux même qui étaient avec eux, ont quitté ces gens-là, puis ils ont compris la réalité de l'islam par la suite. Donc, alhamdoulilah, c'était juste une note en passant. Et puis, après, le cheikh, il explique. Ah oui, en passant, je voulais juste expliquer un autre point aussi, au sujet du kufr asrar. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs, hein, il est un des leurs. Donc le fait de ressembler à un peuple, hein, tu deviens un des leurs. Et bien entendu, si c'est un peuple parmi les kuffars, et bien là, ça ne veut pas dire nécessairement que tu deviens automatiquement kafir si tu as ressemblé à ce peuple-là. Mais bien entendu, ça dépend dans quoi tu leur as ressemblé. Si tu as ressemblé à un peuple kafir dans quelque chose qui est kufr ou qui est shirk, et bien dans ce cas-là, bien entendu, tu risques de tomber dans le shirk et dans le kufr. comme par exemple si tu les imites ou tu leur ressembles dans leur croyance et dans leur religion, comme ceux qui les imitent dans le fait d'adorer les tombes et de construire sur les tombes et de suivre yani, le shaitan et toutes sortes de choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples de ressemblance avec les koufars qui fait sortir de l'islam, ou bien qui peut amener quelqu'un à sortir de l'islam, ou bien qui les amène vers des formes de bid'ah. Puis il y a d'autres formes de ressemblance qui sont pas kufr ou shirk, mais qui sont péchés, hein, comme le fait de les imiter dans leur façon de s'habiller et dans leurs certaines traditions ou dans certaines modes ou des choses de ce genre. Yani. Dans ce cas-là, c'est pas nécessairement toujours kufr ou shirk, mais ça peut tomber juste dans les péchés. Il y en a des formes de tashabbuh qui vont être un péché, et il y en a d'autres qui sont juste makruh ou bien déconseillés, et il y en a d'autres qui vont être permis. Il y a certaines ressemblances dans certaines choses qui vont être dans des choses qui sont permises dans l'islam. Donc dans ces choses-là, ce serait ça dépend tout bien entendu des cas différents, mais il faut juste être capable de distinguer entre ces différents cas là et pas tout mettre dans le même sac, yani, comme on dit. Donc ça c'était juste une note en passant là-dessus. Après le cheikh il dit ومن الكفر الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Non, man halafa bi ghayrillah, celui qui jure par autre que Allah, hein, alors il a fait un kufr ou un shirk. Et donc le cheikh mentionne que ça fait partie des formes de kufr mineur. Et après il dit kafara ya'ni al-kufr al-asghar alladhi la yukhrij min al-millah wa ashraka ay ash-shirk al-asghar. Donc il dit que ça dans ce hadith, c'est le kufr mineur et qui ne fait pas sortir de l'islam, et le shirk mineur également. Après, le cheikh il explique maintenant la signification du shirk. Qu'est-ce que c'est ash-shirk? Donc il dit amma ash-shirk fa huwa sarfu shay'in min anwa' al-ibadati li ghayri Allah 'azza wa jalla. Wal 'ibadatu anwa'un katheera kad-du'a wal-isti'ana wal-istighatha والذبح والنذر والخوف والرغبة والرهبة والرجاء، وهي عبادات قولية وعبادات فعلية وعبادات قلبية. Donc le cheikh il dit que le shirk c'est d'offrir ou de détourner une forme quelconque d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que al-ibada et l'adoration est de différentes sortes. Il y a plusieurs différentes catégories d'adoration. Et il mentionne comme exemple le dua, al-isti'ana. Le dua c'est l'invocation, al-isti'ana d'invoquer Allah pour lui demander l'aide, al-istighatha le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous venir en secours, hein, on demande à Allah de nous sauver lorsqu'on est en détresse. Al-dhabh c'est de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-nadhr c'est de faire un vœu, comme par exemple tu dis par exemple à Allah, oh Allah, si tu me donnes ou si tu fais que en sorte que j'ai telle chose, hein, comme si par exemple tu fais en sorte que ma femme ait un enfant ou tombe enceinte, alors je vais par exemple jeûner pendant 30 jours, hein, ça c'est un exemple. Sauf qu'il y a des gens parmi les musulmans, comme on va voir, qui font des genres de vœux comme ça, mais pas pour Allah, pour des saints ou bien pour des tombes ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples de shirk. Après le shirk il dit al-khawf, hein, ou al-khawf la crainte, ou al-raghba. Al-raghba c'est l'amour, yani le fait de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-raghba c'est la crainte, une genre de crainte. Et al-raja c'est l'espoir. Donc le cheikh il dit que parmi ces adorations là, ça c'est seulement certaines, quelques exemples d'adoration, parce que on sait que dans l'islam il y a beaucoup de différentes sortes d'adorations. Le cheikh a juste donné quelques exemples. Donc il dit que c'est dans ces adorations qu'il a mentionnées, il y en a qui sont des adorations verbales, par la parole, et il y en a d'autres qui sont des adorations yani fi'li, c'est-à-dire dans nos actions et des gestes qu'on peut faire, comme la salade par exemple, des choses de ce genre. Et il y en a d'autres adorations parmi ces adorations-là qui sont parfois faites avec le cœur uniquement, comme par exemple l'amour et la crainte et des choses de ce genre qui sont dans le cœur. Le cheikh dit فالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والتوكل والمحبة هذه عبادة قلبية. Comme par exemple, parmi les adorations du cœur, il y a la crainte, l'espoir, l'amour, al-khashya, al-rahba, ça c'est différentes formes de crainte, al-tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et al-mahabba, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est des formes d'adoration qui sont dans le cœur et qui sont parmi les plus grandes formes d'adoration dans l'islam, et c'est la base même de l'adoration. As-salatu was-siyamu ibadat badaniyah, comme l'exemple de la salat et du jeûne, ce sont des adorations qu'on fait avec notre corps. والذكر والدعاء عبادات قولية. Et le zikr et le dua, c'est des adorations qu'on fait avec la parole. والقول الجامع في معنى العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Donc il dit que la parole qui résume en entier la signification de l'adoration, c'est la définition qui a été donnée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui dit que al-ibada, l'adoration, c'est un nom qui résume, ou bien c'est un nom qui inclut toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Juste un instant. Non. Donc, non. Juste un message, je m'excuse. J'ai été déconcentré là par quelque chose. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Donc, c'est la signification de l'adoration, c'est un nom qui inclut tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Parmi les paroles et les actions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Hein? Et le cheikh il dit, donc quiconque, فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc quiconque donne à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est un mushrik. Il a associé quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et il quitte l'islam. Le cheikh il dit aqsamu shirk wa anwa'u, les catégories du shirk et ses différentes sortes. Le cheikh il dit الشرك في الأصل نوعان شرك أكبر وشرك أصغر. À la base, le shirk est de deux sortes. Une forme de shirk qui est majeure et l'autre qui est mineure. Après, il dit والشرك الأكبر أنواع كثيرة ذكرها الله جل وعلا في القرآن فمن دعا غير الله فهو مشرك. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدعاء الأولياء والصالحين والجن والاستنجاد بهم عند الشدائد شرك أكبر وإن كان هذا الداعي وإن كان هذا الداعي لهم يصلي ويصوم ويدعي الإسلام فإنه بدعائه لغير الله تحبط الأعمال. Donc le cheikh il dit que le shirk majeur est de différentes catégories et Allah les a mentionnés dans le Coran, et comme par exemple le fait que celui qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est un mushrik, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit et certes les mosquées où les lieux d'adoration sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'adorez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il mentionne un autre verset qui dit fad'u Allah mukhlisin lahuddin, adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte exclusif et une religion exclusivement pour lui, c'est-à-dire en purifiant ou en rendant votre invocation uniquement pour lui. Et après Allah dit walau kariha al-kafirun, même si cela déplaît aux mécréants. Fad'u al-awliya, donc d'invoquer les saints, hein, les hommes pieux ou les djinns, hein, et de chercher leur support dans les difficultés, est une forme de shirk majeur. Même si la personne qui invoque ces djinns ou ces êtres pieux-là est une personne qui fait la salat et qui jeûne et qui prétend être musulman ou faire partie de l'islam, eh bien cette personne, par le fait qu'elle a invoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ses actions sont annulées. Donc, comme le cheikh a dit tout à l'heure, il a dit que même si la personne prétend l'islam, par le fait qu'elle a invoqué autre que Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses actions sont annulées. Puis après, il dit, de même que la salat, on ne peut pas la donner ou l'offrir pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, fasalli li rabbika. Il dit, alors prie pour ton Seigneur. Wa kadhalika al-dhabhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Et ça, c'est une preuve que le fait que tu ne peux pas sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ, prie pour ton Seigneur, et وَنْحَرْ, c'est-à-dire, c'est comme si Allah disait وَنْحَرْ لِرَبِّكَ, c'est-à-dire prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur uniquement. وقرن النحر مع الصلاة فدل على أنهما من أعظم أنواع العبادة كما قال تعالى قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc le cheikh il dit que le fait que le fait de sacrifier et de faire la salat ont été mentionnés dans ce verset là dans Al-Kawthar. Ils ont été mentionnés ensemble, ça prouve que ce sont deux parmi les plus grandes formes de ibadah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-An'am, dit, ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé, et c'est à cela que j'ai été commandé, c'est ça que j'ai été ordonné de suivre, et je suis le premier parmi les gens qui se soumettent ou qui sont musulmans. Donc la salat et le sacrifice sont deux formes, deux parmi les plus grandes formes de ibadah. فالصلاه والذبح عبادتان عظيمتان فالصلاه عباده بدنيه والذبح عباده ماليه والزكاه عباده ماليه كذلك. Donc le cheikh il dit que la salat c'est une adoration par le concept qui est physique, et l'autre al-dhabh c'est une adoration qui est, économique, comme la zakat. Après, le cheikh il dit, « Amma al-hajj, fa'ibadatun badaniya wa'ibadatun maliya yajma'u baynahuma. » Et le hajj, c'est une adoration qui est physique et économique en même temps. Elle réunit les deux. « Wa min al-ibadat at-tawakkul, qala ta'ala, wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. » قصر التوكل على الله جل وعلا لأن تقديم المعمول يدل على الاختصاص. Donc le cheikh il dit que التوكل, le fait de mettre sa confiance en quelque chose et, ou en Allah en particulier dans ce verset, eh bien ça prouve que c'est une forme d'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Suratul Ma'ida le verset 23, et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Donc le cheikh il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué qu'on doit mettre notre confiance en lui, et qu'il a mentionné lui-même avant de mentionner le fait de mettre la confiance, c'est-à-dire il a dit et en Allah mettez votre confiance, ça prouve que c'est uniquement en lui qu'on doit mettre notre confiance. On appelle ça al-hasr ou bien al-ikhtisas, le fait que c'est une chose qui est exclusive ou particulière à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à si Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit fatawakkalu ala Allah, s'il dit ça de cette façon, s'il place dans le verset la chose dans laquelle on met notre confiance est mentionnée après le fait de, ou le verbe de tawakkul, ou l'action de, c'est-à-dire de mettre sa confiance, eh bien, ça impliquerait comme par exemple que quelqu'un pourrait mettre sa confiance en Allah et en quelque chose d'autre en même temps. Mais, dans cette façon de formuler la chose, eh bien, c'est plus spécifique et ça exclut toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne un autre exemple. فَقَوْلُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا أَيْ لَا عَلَى غَيْرِهِ. C'est-à-dire, quand Allah il dit « Et en Allah mettez votre confiance », ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est-à-dire, et non pas sur autre que lui. C'est-à-dire, ne mettez pas votre confiance sur autre que lui. Le Cheikh dit « فَتَوَكُّلْ عِبَادَةٌ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْ. » Donc, le Cheikh il dit que le fait de mettre sa confiance en Allah, c'est une adoration, et celui qui met sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis un acte de shirk, il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit, كَذَلِكَ الْخَشْيَةَ وَالْخَوْفِ. De même que la crainte. Al-khashya, c'est une forme de crainte qui est accompagnée de connaissances. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. C'est uniquement les gens qui sont des ulama, qui craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont du ilm, ils le craignent Allah subhanahu wa ta'ala plus particulièrement. Tandis que al-khawf, mais c'est une crainte quelconque qui n'est pas nécessairement accompagnée de connaissances. Le Cheikh il dit, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Hein, ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh, il dit, wa iyaya farhabun. Il donne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors c'est moi seul que vous devez craindre. Fa iyaya farhabun. Ça vient de ar-rahba. C'est également une autre forme de crainte. Le Cheikh, il dit que ça, ce sont deux formes d'adoration qui sont obligatoires et qui ne sont que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh dit que فَالْخَوْفُ وَالْخَشْيَ عِبَادَتَانْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Toutefois, la crainte qui est shirk akbar, qui fait sortir de l'islam, c'est le shirk al-sirri. Le shirk al-sirri, c'est-à-dire le al-khawf al-sirri, la crainte qui est secrète ou qui est cachée. Par exemple, que tu crois qu'une statue ou une idole peut te faire un mal quelconque et peut te nuire. Donc, le fait que tu as peur de cette statue-là, eh bien, ça, c'est une forme de shirk akbar. Ou bien le fait que tu crois que, par exemple, le shaykh, comme chez les soufis, par exemple, que le shaykh peut savoir ce qui est dans ton cœur, hein, et qu'il lit toutes tes intentions et toutes tes pensées. Hein, donc tu as peur du cheikh même s'il est à des kilomètres de distance, et bien ça c'est un exemple également de shirk akbar, et cette crainte là elle te fait sortir de l'islam. Toutefois il y a une crainte naturelle, comme par exemple avoir peur d'un chien, ou un chien féroce, ou bien une bête féroce, ou bien des choses de ce genre, ça rentre dans ça rentre dans une crainte qui est naturelle et qui n'est pas blâmable. Ça deviendrait uniquement blâmable dans le cas où quelqu'un a peur de quelque chose d'imaginaire ou quelque chose qui n'existe pas, comme par exemple toutes sortes de fables que les gens inventent pour faire peur aux enfants, pour les faire dormir ou des choses comme ça. Ça c'est des exemples de craintes qui sont illusoires, puis qui sont pas justifiées. Le Cheikh il dit ensuite, والنذر عبادة فمن نذر للقبر أو نذر للميت أو نذر للجن يكون مشركا لأنه صرف نوعا من العبادة لغير الله جل وعلا. Le Cheikh il dit que النذر, comme j'avais expliqué au tout début, le fait de faire un vœu d'une adoration, c'est une adoration. Comme par exemple tu fais un vœu, tu dis bon, tu vas vers une tombe et tu dis, si tu veux avoir une guérison pour une maladie, on va dire que tu as une certaine maladie, les médecins n'ont pas réussi à te guérir. Alors tu dis, bon, je vais aller voir tel wali. Et ça arrive souvent dans les pays musulmans. Allah musta'an. Il y en a des gens qui font ça. Ils disent, bon, ils sont allés voir le médecin, ça fonctionne pas. On va aller voir le wali. Ils sont à la tombe. Et là, ils disent, bon, si tu exauces mon vœu et tu me guéris, je vais venir et je vais sacrifier en sacrifice une vache ou bien un mouton, yani, ou bien quelque chose de ce genre. Ça, c'est un exemple de nadr, de vœu. Ou bien je vais jeûner, par exemple, ou je vais donner en sadaqa une telle quantité d'or, pour le wali, si je suis guéri. Ou bien pour un djinn, Donc, c'est la personne qui fait ça, il est mushrik, parce qu'il a donné une forme d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le shaykh, il dit, وَقَدْ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لعن الله من ذبح لغير الله وكذلك حديث الرجلين اللذين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد أي لا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل امتنع عن الشرك فقتلوه فدخل الجنة وقال للآخر قرب قال ما عندي شيء أقربه قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. Le cheikh il dit, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sacrifie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple yani dans le hadith des deux hommes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce qui a été rapporté à son sujet, yani comme quand il dit que deux hommes sont en deux hommes, il y a un homme qui est rentré au paradis à cause d'une mouche et l'autre qui est rentré en enfer à cause d'une mouche. Et puis après, il a commencé à donner l'exemple de ces deux hommes-là et il dit comment, et les sahabes ont demandé au messager d'Allah, comment est-ce possible yani que ces hommes-là soient, un soit rentré au paradis et l'autre en enfer à cause d'une mouche, une simple mouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme est rentré ou est passé vers un peuple, par un peuple, et puis il a trouvé qu'ils avaient une idole. Et il ne laissait passer personne devant cette idole ou bien par cette ville ou ce village. Il ne laissait personne passer, excepté si on lui offrait quelque chose en offrande, ou si on lui sacrifiait quelque chose. Donc, donc les gens de cette ville-là ou de ce village-là ont demandé à un des deux hommes de sacrifier quelque chose. Et un des deux a dit, moi je ne vais rien sacrifier, je ne vais rien donner en offrande à personne d'autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a refusé de commettre le shirk et à cause de ça, ils l'ont tué. Alors il est rentré au paradis. Et là, ils ont dit à l'autre, donne quelque chose en sacrifice. Donne quelque chose à l'offrande. Et le deuxième a dit, moi je n'ai rien à sacrifier. Alors ils lui ont dit, alors donne même une mouche. Alors il a sacrifié une mouche et ils l'ont laissé passer et il est rentré dans l'enfer. Et le cheikh il dit, dans les notes en bas, ils disent que ça c'est mursal, c'est rubiya marfu'an mursalan min hadith Tariq ibn Shihab al-Sawab waqfuhu ala Salman al-Farisi. Donc ça c'est plutôt une parole de Salman al-Farisi, c'est pas un hadith, d'accord, mais yani, la signification est bonne. Et puis alhamdulillah on peut comprendre quand même le point. Le cheikh il dit li'annahu wafaqahum ala attaqarrubi li ghayrillahi azza wa jal wa lam yumani' فالعبرة ليست بالذباب وإنما العبرة بالموافقة على الكفر. Donc le cheikh il dit que il a été d'accord celui-là, le dernier, il a été d'accord à, de, pour sacrifier une mouche. Il n'a pas vu que yani, c'était, c'était interdit. Yani, il l'a sacrifié pour autre qu'Allah. Le cheikh, il dit donc, la leçon dans ce hadith-là, c'est pas le fait qu'il a sacrifié réellement une mouche, mais qu'est-ce qui est important de comprendre que la leçon dans ce hadith, dans cette parole, c'est qu'il a été d'accord pour commettre un acte de kufr, pour faire le kufr. Et c'est ça le fait qu'il a été dans l'enfer. Non pas, il faut pas regarder la grosseur de ce qu'on sacrifie, mais il faut regarder le geste lui-même, c'est-à-dire le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même si c'était une fourmi, ou que ce soit un éléphant, la grandeur de l'animal, ça ne fait pas, c'est pas ça qui fait que, l'acte soit plus ou moins dangereux. Le cheikh il dit ensuite: ومن انواع الشرك الاكبر الشرك في الطاعه في تحليل الحلال في تحليل الحرام وتحريم الحلال. Cheikh dit également, parmi les formes de shirk majeur, il y a le fait de faire le shirk dans l'obéissance, c'est-à-dire de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. قال جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. Donc le cheikh il mentionne ce verset dans sourate At-Tawbah, le verset 31, qui dit: ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le messie fils de Marie, alors qu'ils n'étaient commandés, ou alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu seul, ou Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, une divinité unique. La ilaha illahu, rien ne mérite l'adoration excepté lui. Subhanahu amma yushrikun, qu'il soit purifié, ou gloire à lui de ce qu'il lui associe. Donc le cheikh il dit: faman ata'a makhluqan في تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو يعرف أنه حرام أو أنه حرم الحلال أو أحل الحرام فوافقه على ذلك فإنه يكون مشركا فالشرك الأكبر. Le cheikh il dit: celui qui obéit à une créature dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, alors qu'il sait que cette personne a rendu halal le haram ou a rendu haram le halal, il le fait avec connaissance. Alors dans ce cas-là, s'il est d'accord avec le fait de cet acte-là, le fait de rendre halal le haram ou de rendre haram le halal, alors s'il est d'accord avec ça, il devient mushrik, un shirk majeur. Et il dit que ça c'est un shirk dans l'obéissance. أما إذا كان لا يعلم بل أطاعه ثقة به وهو لا يعلم أنه حلل الحرام أو حرم الحلال فهذا لا يعد من الشرك الأكبر. Donc ensuite le cheikh il clarifie encore plus et il dit: par contre, si la personne a suivi ou l'a obéi sans connaissance, c'est-à-dire elle savait pas que cette personne-là avait rendu halal ce qui est haram ou avait rendu haram ce qui est halal, mais elle l'a obéi uniquement par confiance pour cette personne, c'est-à-dire elle avait confiance qu'elle pensait que cette personne-là était une personne qui était fiable et qu'elle disait vrai ou qu'elle faisait quelque chose de vrai, et qu'elle savait pas que cet homme-là ou cette personne-là rendait halal le haram ou rendait haram le halal, alors dans ce cas-là c'est pas considéré comme étant un shirk akbar. Après le shirk il dit: ومن انواع الشرك الاكبر السحر فالساحر مشرك لانه اطاع الشيطان. De même que le cheikh il dit que parmi les formes de shirk majeur, il y a la magie, parce que le magicien est un mushrik, parce qu'il a obéi au shaitan. Le cheikh il dit: وكذلك الكاهن لأنه أطاع الشياطين وخدع لهم. Donc le cheikh il dit de même que la personne qui prétend être un médium ou de voir l'avenir, des choses de ce genre, ceux-là également sont des mushrikines et des kuffars, parce qu'ils prétendent ou parce qu'ils obéissent aux shayatines et ils se soumettent aux shayatines. que les, lorsque ces gens-là veulent faire la magie ou faire ce qu'ils font, par exemple, d'essayer de prédire l'avenir, eh bien, certains d'entre eux rentrent en contact avec des djinns et les djinns leur demandent de faire des actes, certains actes de sacrilège en échange pour ces informations ou ces trucs de ou ces magies-là. Et donc, ça, c'est des actes de kufr et de shirk. Donc, automatiquement, si quelqu'un étudie ces trucs-là, il devient un kafir et c'est des actes de shirk qu'il commet. Hein. Après, le cheikh il dit, وَمِنْ ذَلِكَ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ لِقَصْدِ الْعِلَاجِ. Hein? De même que, également, il y a le fait que quelqu'un, par exemple, sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de se guérir ou de chercher une guérison. Hein? Par exemple, comme le cheikh il dit, كَمَا يَفْعَلُونَ عِنْدَ السَّحَرَةِ يَأْمُرُونَهُمْ بِأَنْ يَذْبَحُوا مِنْ أَجْلِ شِفَاءِ أَمْرَاضِهِمْ فَإِذَا اسْتَجَابَ والذبح لغير الله يكون مشركا الشرك المخرج من الملة. Le cheikh il dit, comme par exemple, ça on voit ça souvent dans certains pays musulmans, hein, et j'avais lu ça dans un livre au sujet de qu'est-ce qui se passait par exemple au Maroc avec les femmes Gnawa. Il y a des gens là-bas qui s'appellent Gnawa. Il y en a d'autres Turuq également, dans des Turuq Soufia comme l'Isawiya et d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, quand quelqu'un est malade ou quand quelqu'un a un problème, ils vont voir une femme qu'ils appellent Muqaddama, et c'est des femmes qui font de la magie. Et donc, ils vont lui dire, bon, j'ai tel problème, et là, bon, la femme, elle va lui dire, bon, tu dois venir tel jour, et tu dois amener tel animal, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient l'animal, et là, ils invoquent les djinns, et là ils sacrifient l'animal et ils prennent du sang de l'animal, ils en mettent sur la personne un petit peu, et puis là ils font toutes sortes d'incantations puis de musique avec les tambours et tout pour invoquer les djinns et tout. Et donc ça c'est de la magie, et le cheikh il dit que les gens qui font ces choses là, c'est à dire qui vont voir ces gens là et qui égorgent pour arriver à ces soi-disant guérisons de ces maladies là, eh ben c'est du shirk majeur. Et le cheikh dit, la personne qui répond à leur demande, hein, lorsqu'il leur demande d'égorger, et qui le fait, qui sacrifie pour autre qu'Allah, et c'est, alors lui c'est un mushrik. Il a fait un shirk majeur qui le fait quitter la religion musulmane. Il doit faire tawba et revenir à l'islam et reprononcer son shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah, pour revenir à l'islam. Parce que sinon, il est kafir, mushrik, en dehors de l'islam. Et le cheikh, il dit, لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلِ الدَّوَى فِي مَا حَرَّمْ بَلْ هَذَا حَرَامْ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ مِنْ وَأَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ الشِّرْكِ فَإِذَا وَافَقَ عَلَى الذَّبْحِ عِنْدَ السَّحَرَةِ طَمْعًا فِي الشِّفَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا خَارِجًا مِنَ الْمِلَّةِ. Le cheikh, il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis la guérison ou le remède de quelque chose dans ce qu'il a interdit, hein? Et en fait il dit que dans ce cas là c'est une grande interdiction, parce que c'est parmi les plus grandes formes d'interdiction. Le shirk c'est une des plus grandes formes d'interdiction, hein? C'est la plus grande interdiction par excellence, c'est la plus grande. Et après le shirk il dit, فَإِذَا وَافَقَ عَلَى الذَّبْحِ, s'il a été d'accord de sacrifier chez les magiciens dans le but de chercher le remède de la guérison, alors il est un mushrik qui a quitté la religion musulmane. Le cheikh dit, وَلَوْ ذَبَحَ شَيْئًا يَسِيرًا وَلَوْ دَجَاجَ فَضْلًا عَنِ الَّذِي يَذْبَحُ الْأَغْنَامُ وَالْإِبِلُ أَوْ الْبَقَرَ أَوْ الْبَقَرُ فَالذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ لِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ إِمَّا لِشِفَاءِ الْمَرَضِ أَوْ نزول المطر كما يفعل بعض الناس إذا أجدبوا يذبحون لبعض الأحجار أو يذبحون للجن ويطلبون نزول المطر بهذا فهذا هو الشرك الأكبر. Le cheikh il dit, même si la personne a sacrifié un poulet, une poule, ou même si la personne a sacrifié un mouton, une chèvre, ou bien un chameau ou une vache, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est shirk. Et il dit, peu importe la cause, que ce soit pour une maladie, ou pour faire descendre la pluie, hein, ou bien pour avoir des bonnes récoltes, hein, il y a des cultivateurs dans les pays musulmans, et subhanallah, ils pensent que quand il n'y a pas une bonne récolte, ou bien pour avoir une bonne récolte, ils pensent qu'il faut aller chez les awliya, les saints, qui sont enterrés dans leur tombe, et sacrifier des animaux pour ces saints-là, parce que sinon, ils disent, sinon les awliya vont pas être contents, ils vont être fâchés contre nous, hein, et des fois même ils disent, bon, s'il y a une mauvaise récolte, ça c'est parce que le wali n'était pas content de nous, donc l'année prochaine il faut donner plus au wali, hein. Donc ça c'est des croyances de shirk et de kufr, yani. Après qu'est-ce qu'il dit le shirk, il dit donc peu importe la raison pour laquelle on sacrifie, si c'est des raisons comme ça, le fait de sacrifier pour une guérison d'une maladie ou pour faire descendre la pluie, comme certains parmi les gens font ça, lorsqu'ils n'ont pas de pluie, ils sacrifient pour une certaine roche ou pour un djinn, hein, ils demandent de faire tomber la pluie, ils disent ça c'est du shirk akbar. Après le shirk, il commence à expliquer maintenant une deuxième catégorie de shirk. الشيخ يقول والنوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. Une autre forme de shirk, c'est la deuxième catégorie, c'est le shirk asghar, le shirk mineur qui ne fait pas quitter la religion musulmane. Et il dit que c'est de deux catégories. وهو نوعان شرك ظاهر وشرك خفي. Il y a deux sortes de shirk mineur, une qui est apparente et une qui est cachée. شرك ظاهر وشرك خفي. Donc ça c'est deux formes de shirk mineur. An-naw' al-awwal, la première catégorie ou la première sorte, ash-shirk adh-dhahir, le shirk apparent, le shirk mineur apparent. Il dit ash-shirk c'est quoi? C'est ash-shirk fil al-alfaz. Ash-shirk fil al-alfaz. Ka'an yaqul lawla Allah wa fulan wa lawla Allah wa anta wa ma sha'a Allah wa shi't. وهذا شرك أصغر وهو شرك في اللفظ ولو لم يعتقده بقلبه. Le cheikh il dit que c'est quoi ce shirk apparent là parmi les formes de shirk mineur? C'est par exemple le shirk dans les paroles qu'on dit, comme par exemple quand quelqu'un parle il dit si c'était pas de Allah et de toi, ou bien par exemple si c'était pas d'Allah et un tel, ou bien ce que Allah veut et toi, ou bien des choses de ce genre, des paroles dans lesquelles on utilise on parle d'Allah puis on utilise une conjonction, comme quand on dit par exemple et, c'est comme si on fait une équivalence ou on égalise entre Allah et sa créature. Donc comme tu dis si Allah veut et toi, comme si la volonté d'Allah et la volonté à toi étaient les deux étaient égales. Donc Qu'est-ce qui inspire cette égalité-là? Eh bien, ça montre que c'est une forme de shirk, puisque c'est de mettre Allah au niveau de sa créature, ou bien de mettre la créature au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est pas permis. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire, au lieu de dire « et », de dire « thumma », c'est-à-dire « puis », pour qu'on sente qu'il y a un autre degré, que les deux sont pas à égalité lorsqu'on parle, comme on dit ce que Allah a voulu puis toi. Donc on sait que la volonté de la créature elle vient après et elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit wa kadhalika al-halifu bighayrillah فهو شرك أصغر لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك الراوي هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أو أشرك, ولا كل حال وهو إما شرك أصغر أو كفر أصغر, وإلا إذا كان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان لا يعظمه مثل ما يعظم الله فإن هذا يكون شركا أصغر. Donc le cheikh il dit que également parmi les formes de shirk mineur il y a le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui jurent par leur mère, ou qui jurent par, par leur père, ou qui jurent par la tête de leur père, ou qui jurent par quelque chose quelconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par la Kaaba ou des choses comme ça. Ça, c'est pas permis et c'est une forme de shirk mineur. Le shirk, il dit que, par exemple, quelqu'un dit, il cite le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commis un kufr ou un shirk. Et le shirk, il mentionne ce hadith-là, et dans le hadith, il y a la mention à la suite qui dit, chaque rawi, c'est-à-dire le narrateur ou le rapporteur de ce hadith a eu un doute. C'est soit un ou l'autre. Le shaykh, il dit, que peu importe lequel des deux, les deux, yani, donc c'est une, lequel, peu importe lequel des deux, c'est soit un kouf majeur ou un, peu importe lequel des deux qui est utilisé ici, c'est soit un shirk mineur ou un kouf mineur. Excepté si par exemple la personne qui jure, elle jure pour essayer de d'exalter ou de vénérer la personne par laquelle on a juré, comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala et comme on l'exalte. Dans ce cas-là, ce serait une forme de shirk majeur. Mais si amma idha kana la yu'azzimuhu mithla ma yu'azzimu Allah, et si dans le cas où il ne l'exalte pas, il ne le vénère pas comme il vénère Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Après, le shaykh, il dit, wal halifu bi ghayri Allah kal halifu bil amana wal halifu bil rasul sallallahu alayhi wa sallam wal halifu bil ka'ba wal halifu bi hayati shakhsin wal halifu bi ayyi makhluqin min makhluqatillahi azza wa jal kullu hadha min ash-shirk. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Le cheikh, il donne des exemples de gens qui jurent ou de choses par lesquelles on jure en dehors d'Allah, pour donner des exemples comme j'ai mentionné tout à l'heure, comme le fait de jurer par par l'honnêteté ou des choses comme ça, ou je jure par le prophète, ou je jure par la Kaaba, ou je jure par la vie de quelqu'un, ou je jure par une créature quelconque parmi les créatures d'Allah. Il dit tout ça c'est shirk. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par quelque chose alors qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le cheikh, il dit, en ce qui concerne la deuxième catégorie de shirk mineur, c'est al-shirk al-khafi, le shirk qui est caché. Alladhi yakunu fil qalb, wa la yarahu an-nas, wa la yasma'unahu, wa innama huwa shay'un yaqumu bil qalb, wa dhalika shirk al-riya', an yusalli min ajli an yamdahahu an-nas, aw yatasaddaqa min ajli an yahmadahu an-nas. فهذا شرك لا يعلمه إلا الله. Donc le cheikh, il dit que le shirk caché, c'est celui qui est dans le cœur et que les gens ne voient pas et qui n'entendent pas. Donc par exemple, pourquoi il est caché? Parce qu'il est dans le cœur. C'est comme par exemple le shirk de Ar-Riya, de faire un acte dans le but de se faire voir, pour que les gens nous glorifient, comme par exemple quelqu'un qui fait une salat et puis il la fait tellement bien, tellement belle et tout, pour que les gens le voient puis disent, ah lui il prie bien, il a une bonne concentration, il est pieux, mashallah. Donc ça c'est un exemple de shirk mineur. Mais il dit le shirk que cette forme de shirk là, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut la connaître, parce qu'elle est cachée. Le cheikh il dit, wa fi hadha an-nawa qala sallallahu alayhi wa sallam ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min fitnati al-masih ad-dajjal qalu bala ya rasulullah qala ash-shirk al-khafi yaqumu ar-rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nazar ar-rajul. Le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah selon Abi Sa'id al-Khudri, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe de ce qui est plus, de ce dont j'ai plus peur, de ce dont que j'ai plus peur pour vous. Et Yanni, est-ce que vous voulez que je vous informe de ce dont j'ai plus peur, Yanni, pour vous, que de la fitna du Messie Dajjal? Je dis, j'ai plus peur pour vous de cette chose-là que de la fitna du Dajjal. Et on sait que la fitna du Dajjal, c'est la plus grande fitna. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus peur pour nous de ça que de cette fitna. Et les sahaba ont dit, bien sûr qu'on veut savoir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est le shirk caché. L'homme qui se tient ou qui se lève pour sa prière et qui l'embellit, parce qu'il sait que des gens le regardent, parce qu'il sait qu'une personne le regarde. Cheikh dit, فَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي أَوْ صَلَّى يُرَائِي أَوْ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ يُرَائِي أَوْ ذَكَرَ اللَّهِ يُرَائِي فَإِنَّهُ قَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شِرْكًا أَصْخَرْ وَهُوَ الشِّرْكُ الْخَفِي الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ سُبْحَانَهُ. Le chef il dit, comme par exemple quelqu'un qui donne une sadaqa pour se faire voir, ou bien qui fait une salat pour se faire voir, ou bien qui enseigne la science de l'islam pour se faire voir, ou bien qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens le voient, ou bien qui fait une forme quelconque d'adoration dans le but de se faire glorifier ou de se faire voir par les gens, le chef il dit que ça c'est une forme de shirk mineur, et c'est un shirk qui est caché, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui le connaît. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ash-shirku akhfa min dabib an-namli ala safatin sawda fi dhulmatin fi dhulmatil layl. Donc le cheikh il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Hibban et qu'il a déclaré comme étant sahih selon Aïcha, et il a également été rapporté par Ibn Abi Hatim dans son tafsir du verset فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا selon Ibn Abbas. Et ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shirk est plus caché qu'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. وهذا هو الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم وهم الصحابة. Donc, et ça c'est la forme de shirk dont les sahaba ont eu peur pour eux-mêmes. Ils ont eu peur de cette forme de shirk mineur là pour eux-mêmes, alors qu'ils sont eux les sahaba. Imaginez si eux ils ont eu peur de ça, alors imaginez-nous comment on doit en avoir peur également. Donc il reste encore quelques pages. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, inshallah, et puis on continuera bi'iznillah demain, hein, c'est dimanche. Puis on va terminer inshallah demain. On va terminer demain bi'iznillah la partie qui explique le kufr et le shirk dans le Coran al-Karim. Donc subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليه. كالله vous bénisse et qu'il vous donne al-baraka dans ce mois de Ramadan. Et en même temps je vous rappelle que les 10 derniers jours approchent, hein, donc alhamdulillah, essayez de profiter de ces jours là et ces nuits là pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et méditer sur le Coran et lisez le Coran, et alhamdulillah vous êtes salafi. Donc donnez l'exemple pour les autres qui sont pas comme vous, inshallah, qui n'ont pas eu la miséricorde d'être guidés à cette aqida et à cette da'wa, dans le but que vous soyez des exemples pour eux. Donc alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu fikum,